este mundo actual de capitalismo trate de hacernos esclavos. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez sur 106,6 MHz. C'est possible aussi sur campuslille.com. Vous écoutez Angle d'attaque, une émission d'Attaque Métropole. Alors, Attaque, de TAC, c'est l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Nous ne sommes que trois aujourd'hui. Aux manettes, le maître du temps Florent, qui nous donnera le tempo, les rendez-vous militants et nous proposera une ou deux chansons. Ludovic et moi-même, René, pour l'animation. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui ? Du problème du logement. Seulement, un petit contretemps nous oblige à revoir le planning de l'émission. Aussi, nous allons commencer par les activités d'attaque. Donc, les activités d'attaque, donc récentes, d'abord au plan national. Le procès BNP Paribas contre Nicole Briand. Alors, lundi 5 et mardi 6 février 2018 se tenait à Carpentras une mobilisation nationale en soutien à Nicole Briand. Pendant deux jours, 1000 militants et militantes se sont rassemblés pour dénoncer l'évasion et la fraude fiscale. Mais à l'ouverture de l'audience, donc ça c'était mardi 6, le juge a renvoyé le projet au 7 juin, au motif que le chef d'inculpation du refus de prélèvement d'ADN nécessitait une délibération collégiale de trois juges. Cette décision surprenante n'a rien enlevé à la détermination des militants et militantes venus exiger la relaxe pour Nicole et dénoncer l'évasion fiscale. Pour Raphaël Prado, porte-parole d'Attaque France, Nicole Briand subit une injustice supplémentaire. Le report du procès entretiendra la pression dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs mois. Nous sommes plus que jamais déterminés à exiger la relaxe de Nicole et nous l'appelons d'ores et déjà à la mobilisation jeudi 7 juin. Ce sont aux délinquants financiers de se retrouver sur le banc des accusés et non à Nicole Briand qui a entrepris un acte d'intérêt général. Alors, outre ce procès BNP, il y a un autre procès qui a fait l'objet d'ailleurs d'une couverture médiatique relativement importante, si on en croit les articles dans Libération, dans Mediapart. C'est le procès donc intenté par Apple à l'endroit d'attaque, ce qui a donné lieu à ce titre fameux, l'Empire contre-attaque. Donc le lundi 12 février, donc lundi dernier, à 13h30, attaque était convoquée devant le tribunal de grande instance de Paris, à la suite d'une assignation au référé déposée donc par la multinationale américaine Apple. La raison ? Empêcher de dénoncer l'évasion fiscale qu'organise la multinationale et en particulier interdire les futures actions dans les Apple Store, telles que celles menées, entre autres, le 2 décembre 2017, action qui d'ailleurs a été menée ici à Lille. Ce procès a permis la tenue d'un rassemblement politique, syndical, associatif très large, du NPA en passant par la France Insoumise, les Verts et bien d'autres associations, appelant à la création, je cite, d'une alliance pour la justice fiscale. Le cas Apple est devenu un sujet pour tous les États, y compris pour les gouvernements américains, pour le gouvernement américain. Adepte des paradis fiscaux, le groupe y loge en effet plus de 200 milliards de dollars à l'abri des taxes, selon les estimations du fisc américain. Adepte des paradis fiscaux, le groupe donc y loge plus de 200 milliards comme je l'ai dit, et à s'en tenir aux chiffres officiels, la France ne représente que 1,5% de l'activité Europe du groupe. Et grâce à des montages passant par le Luxembourg et l'Irlande, le groupe minore année après année son chiffre d'affaires et ses résultats en France, avec un manque à gagner à chaque fois donc pour le fisc. En 2015, Apple n'a ainsi déclaré que 38 millions de bénéfices et n'a payé que 13 millions d'impôts sur les bénéfices. C'est à peine le montant d'une grosse PME. Une procédure de redressement fiscal a été engagée par l'administration fiscale en France en 2016. Demandée 150 000 euros par par infraction, c'est visé à faire taire attaque. C'est une mesure disproportionnée face à une campagne qui déplaît. Le débat porte sur l'évasion fiscale. C'est un débat d'intérêt général. Rappellera en conclusion l'avocat donc de l'association attaque. Quoi qu'il en soit, le sujet est sur la table. Même si Apple parvient à obtenir ce qu'il demande auprès de la justice, il ne parviendra plus à s'en débarrasser. Désormais, ses pratiques d'évasion collent à son image comme le sparadrap du capitaine Haddock. Le jugement a été mis en délibéré au 23 février, donc je pense que l'émission prochaine, le mois prochain, on vous parlera de la décision du tribunal qui, je l'espère, de la décision du tribunal. Voilà, qui, je l'espère, sera en faveur de notre chapelle. Bien. Et maintenant, Notre-Dame-des-Landes, le 10 février, c'était la fête de l'abandon du projet. Donc un jour de fête. Des milliers d'opposants défilaient samedi sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour célébrer l'abandon du projet d'aéroport et réaffirmer leur détermination à gagner une deuxième bataille, celle de la gestion collective des terres. Au son des fanfares et dans une ambiance bon enfant, les manifestants de tous âges, munis de bottes ou de chaussures de randonnée, se sont élancés d'un pas tranquille sur les chemins de la ZAD, un vaste territoire de bocage de 1650 hectares. Beaucoup de manifestants avaient collé sur leur sac à dos un tout nouvel autocollant « Notre rêve des Landes ». Dans le cortège, les pancartes faisaient référence à d'autres projets contestés, centre d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse, le réacteur EPR de Flamanville dans la Manche, ou la ligne à grande vitesse, la LGV Lyon-Turin. Cette victoire de la raison doit permettre une nouvelle phase, celle de la pérennisation des expériences qui sont nées et se sont développées sur la ZAD, celle qui réinvente d'autres mondes possibles. Et au plan local, eh bien, nous, ici, le samedi 27 janvier, les trois comités locaux de la métropole ont participé aux actions de soutien à Nicole Briand, qui étaient d'ailleurs organisées dans toute la France. À Lille, nous avons tenu deux opérations de communication devant les agences BNP de la Grand Place et de la place Louise de Bétigny. Et au total, cinq agences de la banque ont été redécorées à l'aide d'affiches, d'autocollants sur la métropole. Et enfin, la préparation des 20 ans d'Attaque. Oui, parce que cette année, Attaque fêtera ses 20 ans d'existence. Des événements festifs sont bien sûr prévus à Paris comme en province. Et nous avons décidé d'organiser une manifestation locale, soit en salle ou en extérieur, par exemple par une marche festive. Et un groupe de travail s'est créé dont la première réunion se tiendra le 1er mars au Polder. Oui, donc on va passer à l'agenda militant. Lecture collectif sur le salaire étudiant organisé par Réseau Salariat pour comprendre et s'opposer à la loi Vidal. En France, Emmanuel Macron a déclaré être ouvert à une augmentation des frais d'inscription payés par les étudiants étrangers. Il s'agirait de prolonger la promotion déjà ancienne des pratiques marchandes dans l'enseignement supérieur. Contre cette logique, une proposition radicale existe depuis plus d'un demi-siècle, celle de la gratuité des études indissociables du versement d'un salaire aux étudiants et étudiantes. Ça sera le samedi 17 février à 16h au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, suivi à 19h de la projection du documentaire « Étudiants, l'avenir à crédit ». Et comme tous les troisièmes mardis du mois, à la Mares, 23 rue Gosselet à Lille, venez réparer vos objets au Repair Café. Couture, électronique, informatique et en autoréparation, les ateliers sont ouverts au grand public de 18h à 20h30. L'entrée est gratuite et se fait sur inscription scvrepair@mres-asso.org. Autre rendez-vous régulier à rappeler, tous les derniers vendredis de chaque mois, masse critique mensuelle du collectif Vélorussion Lille, le Vélorussion lilloise. Les personnes qui s'y rencontrent partagent une préoccupation commune, rendent leurs rues de la ville leur rôle de lieu d'échange et de rencontre pour ainsi créer une Vélorussion. Ces rassemblements sont suivis d'une promenade urbaine qui vise à montrer au public qu'il existe des modes de déplacement plus efficaces et sympathiques que les véhicules motorisés. Donc rendez-vous à la Grande Place de Lille, donc prochain le vendredi 23 février à 19h. Notez qu'une première édition de la Vélorussion à Tourcoing et Roubaix ont eu lieu en janvier et février et vous pouvez rester informé pour les prochaines dates. Ciné-débat, mémoire d'immigrés à la CGTUL de Tourcoing, 43 rue de Lille, le vendredi 23 février à 18h30. Quand les parents sont arrivés, on les a conduits avec mépris vers les usines où il manquait de main-d'œuvre. Ils ont trimé dur pour des salaires de misère avec en toile de fond le bon vieux racisme colonial de la société française. Quelques décennies plus tard, on n'a plus besoin de bras, les usines qui ont fermé ou ont été délocalisées. Rassemblement devant les locaux de la MEL, 1 rue du Ballon pour une politique de transport social et écologique, le vendredi 23 février à 16h. Depuis plusieurs années, le service rendu aux usagers de transport se dégrade, tandis que les tarifs augmentent. Sous couvert de modernité et de sécurité, la politique appliquée par Gérard Darmanin est inadaptée tant socialement qu'écologiquement et est tapageuse. L'atelier d'histoire critique revient avec une conférence intitulée « Femmes, féminisme et genre en France, de 1815 à 1914 ». Elle sera donnée par Sylvie April, professeure à l'Université Paris-Nanterre, le samedi 24 février, et ça sera à la bibliothèque du quartier du Vieux-Lille à partir de 15h. Et sur le même thème, projection débat « We want sex equality » sur la lutte des femmes au printemps 68 en Angleterre, quand une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde. Ça sera le dimanche 25 février à partir de 17h45 au cinéma L'Univers. Et on va passer maintenant une pause musicale. Hop, ça arrive. Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont las, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays par en vrille. Je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois comme ceux qu'on retrouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile et doucement je deviens une simple habitude. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité, je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes, rien qui nous retient ici, ni maison ni repères. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles, on brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chassent parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde faire semblant de ne pas me voir, ça me marque. plus que le temps à tuer. Sur le goudron, une tache dans ce parc. Vos non-dits qui en disent long me rattrapent. Et parmi nous, beaucoup se résignent. Face au mépris, le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut. On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette. Une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus. Eh bien voilà, nous pouvons lancer l'interview. Donc, comme je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui du problème du logement, un problème récurrent en France depuis de nombreuses années, qui est revenu récemment au centre de l'actualité avec les nouvelles dispositions du gouvernement Macron, notamment la baisse des APL. Et pour aborder ce sujet complexe, nous avons fait appel à la Fondation Abbé Pierre et invité la directrice de l'Agence régionale des Hauts-de-France, Stéphanie Lamarche-Palmier. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc c'est Ludovic qui va présenter le questionnement, mais peut-être... tout simplement en quelques mots sur la, voilà. Sur la fondation. Donc créée par l'Abbé Pierre. Donc. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire là, très succinctement. Donc effectivement, jusque-là tout est bon. Notre fondateur, c'est l'abbé Pierre. On fait partie du mouvement Emmaüs. Et la fondation Abbé Pierre est un des derniers dispositifs qu'il a contribué à créer. On a été reconnu d'utilité publique en 1992. Donc on a un peu plus de 25 ans. L'agence qui est installée à Lille, dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, a ouvert en 2009. Donc on n'a pas encore nos 10 ans. D'accord. Et des antennes locales, il y en a quasiment dans toutes les régions ou c'est... Maintenant qu'il y a moins de régions, il y en a presque ouais. Dans toutes les régions. D'accord. Il y a 9 agences régionales. Donc à côté de... Après Lille, il y a aussi Metz, Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Rennes, Marseille, si je ne l'ai pas dit, et Saint-Denis-de-la-Réunion. D'accord. Et donc la Fondation publie régulièrement, il me semble que c'est tous les ans, c'est ça, un état... Oui, ça a démarré presque au lancement de la fondation. Le premier a mis un peu plus de temps que les autres pour être écrit, mais on a très vite repéré qu'il y avait un déficit de connaissances en matière de logement. Et c'est peut-être ce qui pouvait expliquer une partie des difficultés. Et on pensait que c'était important que les habitants, qui sont les premiers concernés par la crise du logement, puissent disposer d'un certain nombre d'éléments de connaissance, d'un certain nombre d'éléments d'analyse, parce que c'est aussi ce qui va permettre d'aller rencontrer les acteurs, les élus, ou ceux qui peuvent changer les choses en matière de politique. Et on pense qu'il faut en donner les moyens au plus grand nombre. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut maintenant, on va aborder le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux, encore une fois assez succinct et brossé à très gros traits, sur l'état du logement en France, notamment en vous appuyant donc sur le dernier rapport donc qui a été publié, donc le 23e rapport donc de la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que est-ce que la situation du logement en France est améliorée ou s'est dégradée ou est-ce qu'il y a une certaine stabilité? Il y a toujours une crise du logement. C'est vrai que dans ses formes, elle évolue parfois parce que sur certains aspects, on peut de temps en temps constater des améliorations, mais on est encore assez inquiet. Et donc, c'est aussi ce qui explique une forme de vigilance. On va revenir sur différents sujets, comme vous l'avez proposé, et je vous en remercie. Le document est téléchargeable sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Donc, si certains ont envie d'en savoir plus, les 400 pages et quelques du rapport rapports sont accessibles à tous si on se connecte sur le site de la Fondation. Sachant qu'il y a une synthèse, hein, parce que 400 pages, c'est pas toujours. Voilà, on peut aussi trouver une synthèse. Je crois qu'il y a des extraits vidéo des présentations qui ont eu lieu le 30 janvier. Oui, si vous permettez. J'ai quelques chiffres là à titre de comparaison. Donc c'est l'enquête INSEE de 2001. On estimait à 86, on avait comptabilisé 86 000 personnes sans domicile fixe, dont plus de 63 000 adultes et 16 000 enfants. Et en 2012, on arrive au total à plus de 112 000 personnes, dont 30 000 enfants. Avec une estimation de 143 000 personnes. Donc pendant cette décennie, il y a eu plutôt une aggravation. Une aggravation, oui. On retient souvent le chiffre d'une augmentation de 50% environ du nombre de personnes qui se retrouvent sans domicile. Et si c'est ce qui, pour nous, justifiait la mise en place d'un plan qu'on a appelé sans domicile objectif zéro. Et il y a un an, au moment où on avait reçu les différents candidats à la présidentielle, c'est aussi sur ces projections-là qu'on leur demandait de se positionner. Donc un des éléments sur lequel on est revenu, c'est cette affirmation de la politique du logement d'abord qu'Emmanuel Macron avait souhaité adopter ou faire sienne. Et il y a eu plusieurs annonces dans ce sens-là. Donc c'est un motif pour nous qui permet de dire on prend acte de cette problématique qui continue de croître, et c'est pas normal aujourd'hui dans un pays comme le nôtre qui ait autant de personnes dehors à la rue. Néanmoins, on se satisfait pas de cet effet d'annonce. On attend de voir aussi quels seront les moyens qui vont être donnés et dans les différents axes qu'il était possible de retenir pour la politique du logement. On voit qu'il y a aussi dans le même temps des signes qui pour nous sont alarmants et qui ébranlent notre système de solidarité, avec d'abord la baisse des APL de 5 euros pour tout le monde, et puis après la mise en place de la réduction de 60 euros en moyenne pour les locataires qui étaient allocataires de l'APL. Oui, ça c'est les récentes décisions de Macron. Mais justement, au cours des années 2005-2006, il y avait eu, semble-t-il, une sorte de prise de conscience. Il y avait notamment des mouvements comme les Enfants de Don Quichotte, Jeudi Noir, qui alertaient l'opinion publique sur la crise du logement. Et le gouvernement semblait s'être engagé, puisque c'est quand même à cette époque-là, vers 2003, 2006, 2007... La loi Dalo. Qu'apparaissent la loi de cohésion sociale, le plan de cohésion sociale qu'on a appelé aussi loi et plan Borloo, la création de l'ANRU, la loi Engagement national pour le logement en 2006, et enfin la loi Dalo en 2007-2008, droit opposable au logement. Et apparemment, est-ce que ça a vraiment joué un rôle ou... En tout cas, la liste que vous faites montre que parfois on peut comprendre pourquoi on se retrouve dans la confusion, puisque finalement, il y a des nouvelles lois en matière de logement qui se succèdent. Oui, c'est ça. On travaille sur le sujet, on l'a dit, depuis environ 25 ans, et le nombre de ministres se sont succédés et ils n'ont pas toujours les moyens de voir le résultat de leur politique. Qu'on dit aussi que c'est qu'annoncer une politique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on annonce une politique et qu'on donne pas les moyens, pour nous, ça reste une des raisons qui explique que les choses ne changent pas assez vite. Donc à la fois, vous avez raison de souligner que les associations se sont mobilisées sur le sujet. Depuis la période des Enfants de Don Quichotte, il y a un collectif des associations unies qui est mis en place, avec la volonté que, à une quarantaine d'associations et de grosses fédérations, on puisse travailler sur un socle commun de revendications. Donc c'est aussi une façon d'être plus fort dans la communication, parce que ça vous aura pas échappé, je pense, aujourd'hui une partie de la politique se joue dans les médias et à coup de communication, et au-delà des effets d'annonce, nous on a envie aussi de pouvoir analyser et mesurer. Le chiffre que vous avez évoqué avec l'augmentation de 50% du nombre de sans domicile, il est éloquent en lui-même. Oui. Une partie des politiques n'arrive pas aux résultats qui étaient prévus, et ça entraîne encore plus de personnes dehors. Et Je veux dire, il y a aussi un problème au niveau de la succession des gouvernements, parce que quand il arrive qu'un gouvernement mette en place une politique favorable au logement, enfin aux locataires, le gouvernement suivant peut la détricoter ou la vider de sa substance. On a même vu lors de la dernière période une loi qui avait été annoncée sur l'encadrement des loyers notamment, qui a ensuite été minimisée dans sa portée par le Premier ministre. Avec quelques années plus tard, encore aujourd'hui. Valls, voilà, tout voilà, à fait. Oui. Qui avait limité l'application de l'encadrement des loyers à Paris, et ça a été pour Lille déjà un combat de réussir à pouvoir le mettre en place. Et on a amèrement regretté, il y a quelques mois, que cette décision soit annulée. Pas du tout pour un problème de fond, mais plutôt pour un problème de forme, parce que c'était l'argument de ceux qui ont voulu annuler la disposition, en estimant que le territoire sur lequel le loyer était encadré n'était pas suffisant. On a intenté une action, et l'État lui-même a fait un recours, parce que on estime que si sur le fond on est d'accord avec la mesure, mais que le territoire n'est pas assez grand, mais il faut se donner les moyens d'élargir le territoire plutôt que de limiter ou d'arrêter la mesure. Et est-ce que vous pensez que l'État a une réelle volonté de l'étendre justement au territoire pour que aujourd'hui on a des doutes. Pour que précisément la justice... Voilà. Aujourd'hui, on a des doutes parce que les signes qui sont donnés dans ce domaine-là ne sont pas favorables. D'une part, parce qu'on passe à une recommandation au préfet de certifier les observatoires, mais plus de les agréer. C'est-à-dire qu'on met en place des outils qui pourront éventuellement apporter une mesure des loyers, mais qui seront plus vraiment organisés comme un gendarme qui puisse effectivement évaluer les niveaux de loyers. Et on a complètement oublié de parler de l'extension de l'encadrement des loyers dans les autres territoires tendus. Donc nous déjà, on espère qu'on va annuler l'annulation et qu'on reviendra à l'encadrement des loyers. Et on pense également que c'est important de pouvoir revenir à ce dispositif qui protège les locataires, parce qu'il n'y a aucune démonstration qui a été faite que diminuer l'APL pouvait permettre de réduire les loyers, alors que dans tous les territoires où l'encadrement s'est appliqué, dans d'autres pays européens, ça a eu des effets positifs. On a même un exemple négatif, c'est qu'en Angleterre, où on a diminué les aides, on a connu la hausse la plus importante de son domicile depuis ces dernières années. Donc on a plutôt tendance, sur ces sujets-là, à se montrer assez inquiet, en voyant qu'à côté de l'affirmation du logement d'abord, les signaux qui sont faits à l'APL et à la politique de loyer, selon nous, ne vont pas du tout dans le bon sens. Est-ce que globalement, enfin j'avais noté ça, on peut dire que les politiques du logement en général s'avèrent insuffisantes, inadaptées, voire contre-productives, non reconduites quand elles sont pertinentes ou très difficiles à mettre en place. Est-ce que ça résume bien ? C'est sans doute un peu global et tranché comme avis. Oui. Je pense que par exemple en matière de DALO, on peut faire la différence entre la politique qui a été proclamée et la façon dont elle est appliquée. L'année dernière, on fêtait les 10 ans du droit au logement opposable. Oui. Ça a été l'occasion de revenir, par exemple, sur les ratios et combien de recours sont reconnus prioritaires et urgents. Et dans le département du Nord, par exemple, on voit qu'on est passé en dessous d'un recours sur 5 qui est reconnu prioritaire et urgent. Et donc... Si la politique dans son objet était plutôt favorable pour permettre que les dossiers oubliés repassent dans la file et soient traités, on voit qu'un certain nombre de mesures techniques ou parfois dans l'appréciation des dossiers viennent en limiter la portée. On pourrait faire le même constat pour la loi SRU. Ah oui. La loi SRU, depuis une vingtaine d'années, a mis en place les conditions d'un rééquilibrage de l'offre sur le territoire. Peut-être rappeler la loi SRU pour nos auditeurs et auditrices qui éventuellement ne connaîtraient pas cette loi. Peut-être rappeler Il y a une vingtaine d'années, le constat a été fait que certaines communes ne disposaient pas suffisamment de logements dits sociaux, ce qui pouvait du coup limiter la possibilité pour les ménages avec des ressources modérées de pouvoir pouvoir y habiter. Donc dans une logique de rééquilibrage, donc on dit parfois de mixité, l'objectif c'était de faire en sorte que chacune des grandes communes, donc les communes au-dessus de 3500 habitants, puissent compter au moins 20% de logements sociaux. Ça a été renforcé avec la loi Allure et dans beaucoup de communes, la quantité objectif est visée à 25%. On peut... Avec des sanctions à la clé, si oui. Les communes... Alors... Voilà, mais c'est parti, hein, comme souvent avec un observatoire, il y avait un peu plus de 1200 communes en France qui respectaient pas les plafonds qui leur étaient faits, et donc dans chaque cas, on a mis en place des objectifs avec des plans de rattrapage, des bilans qui sont faits tous les 3 ans, et effectivement, la loi prévoit que si les objectifs tous les 3 ans ne sont pas atteints, il puisse y avoir d'une part un rappel à la loi, et d'autre part une amende. Donc, les amendes sont réelles ou sont effectives ou c'est simplement purement symbolique et ce qu'il y a réellement eu des communes qui ont dû payer. Il y a de l'argent qui peut être qualifié d'amende, qui est effectivement sorti des comptes, mais l'objectif c'est que cet argent puisse servir à faire du logement social. Et donc l'organisation du financement du logement fait que ce que un territoire verse peut éventuellement revenir au territoire s'il s'engage effectivement dans des constructions. Donc l'amende, c'est pas une privation complète de la somme. Néanmoins, symboliquement, ça a quand même un sens. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les préfets sont parfois très réticents. Et ne propose pas l'amende à chacune des collectivités concernées, voire même alors que la loi Allure proposait le quintuplement des amendes pour qu'effectivement on atteigne des seuils qui commencent à être significatifs, ça a rarement été appliqué. Et donc il y a moins... au départ, il y avait une commune sur 3 environ qui n'avait pas respecté les objectifs qui devaient faire l'objet d'une amende, avec beaucoup de réclamations du comité de suivi d'Allo, il y en a eu un peu plus, je crois qu'on est de l'ordre de 260 communes sur les presque 600 qui ne respectaient pas les objectifs. Mais là-dessus, c'est aussi le rôle de la Fondation Abbé Pierre. On a constaté que plus de la moitié des communes qui devaient rattraper l'offre en logement social l'ont fait. Et globalement, les logements qui ont été produits grâce à cet objectif ont été au-delà de ce que les communes devaient produire. Ça veut dire que au sein des 1200 communes, il y en a qui ont plutôt été respectueuses et qui sont confortées à la loi, voire qui sont allées au-delà. Et il reste toujours des mauvais élèves, voire même des communes qui, tous les 3 ans, n'ont jamais respecté les objectifs. Et qui préfèrent éventuellement payer l'amende en question plutôt que d'avoir des pauvres, entre guillemets, sur leur commune. Mais vous avez raison déjà. De dégrader. J'insiste sur les guillemets parce que, effectivement, c'est important de se rappeler que 3/4 des Français environ ont des ressources qui sont compatibles avec le logement social. Donc faire du logement social, c'est faire un logement qui est accessible aux 3/4 des Français avec les ressources les plus modestes. Donc ça reste quand même une possibilité qui est assez large. Ça peut concerner des personnes qui vont bénéficier d'une allocation de solidarité. Ça peut être des personnes qui, après une vie de travail, ont une retraite modeste. Ça peut aussi concerner des personnes qui font de l'aide à la personne, les facteurs, les instituteurs, enfin... Donc ça peut aussi toucher des classes moyennes aussi. Donc imaginez et continuez de véhiculer que le logement social, ce serait des tours, des bars et des repères de très pauvres, de gens qu'on ne veut pas voir. C'est une fausse idée. Parce que ceux qui habitent le parc social aujourd'hui, si on est 4 dans une pièce, on est potentiellement 3 à pouvoir y habiter. Oui. Justement, à propos du logement social, parce qu'il y a plusieurs types de logements sociaux. Il y a le social supérieur, enfin, c'est les prêts PLS. Après, il y a le plus et le PLAI. Et il se trouve que c'est, je crois, ces dernières années, on a beaucoup privilégié le PLS qui n'était pas vraiment adapté aux gens qui en avaient le plus besoin, les plus modestes. Est-ce que alors, vous pourriez nous dire PLS, PLU, peut-être encore une fois, j'essaye de. Je me mets à la place de l'auditeur. Alors, effectivement, selon les loyers que plafonds que les logements connaîtront, ils sont plus ou moins aidés par l'État. Mm-hmm. Donc, nous, on trouve ça assez juste hein, que les loyers les moins élevés soient ceux qui reçoivent l'effort public et que des logements, donc PLS, des programmes locatifs sociaux qui sont au-delà des plafonds HLM classiques, ne mobilisent pas l'effort public. On a même tendance à vouloir comptabiliser dans le logement social que ceux qui seraient en dessous des plafonds APL. Et donc ça aussi, c'est une alerte que la Fondation Abbé Pierre émet. On constate que ces dernières années, même quand on est en PLAI, donc les prêts locatifs aidés d'intégration ou d'insertion selon les périodes, ou en plus pour les prêts locatifs à usage social, ce sont les logements sociaux classiques. Le logement, une fois qu'il est livré, dépasse parfois les plafonds de l'APL. Et donc, structurellement, ça veut dire qu'on soutient une offre qui devient trop chère pour une partie de ceux qui sont aidés par l'APL, quand bien même l'APL n'est pas toujours réévaluée, se retrouve du coup en situation difficile. On a compté environ 1 million de ménages qui, bien que bénéficiaires de l'APL, ont un effort pour leur logement qui est au-delà de 33%. Qui est un effort qui est d'ailleurs en augmentation constante depuis les années 2000, même avant. Voilà, donc on observe comme un effet de chaîne. Si on construit trop cher, même avec une APL, on a des efforts trop importants. Le risque, c'est de se retrouver en situation fragile et donc peut-être de devoir faire des privations sur sa santé, sur l'éducation des enfants, ou en cas d'accident de la vie, se retrouver aux portes de l'expulsion. Et l'expulsion elle-même a augmenté de 72, je ne me rappelle plus des chiffres, mais elle a fortement augmenté en quelques années. C'est ça, c'est quasiment doublé depuis une quinzaine d'années. Et alors qu'on souhaite diminuer le nombre de personnes à la rue, et ça a été aussi une des déclarations phares du président Macron, il faut qu'on s'interroge sur ce qui alimente le phénomène des personnes sans domicile, et l'expulsion en fait partie. Si on veut mettre fin à l'expulsion, il faut vraiment qu'on s'attache à faire en sorte que les logements soient abordables pour les ménages. Ça passe à la fois par la nature des logements qu'on produit, mais l'adéquation aussi entre l'offre qui est disponible et les personnes qui peuvent y aller. À côté du parc social, nous on pense que c'est important aussi de développer ces efforts-là dans le parc privé. On regrette que depuis quelques années, il y ait de moins en moins d'aide pour les propriétaires privés qui voudraient remettre sur le marché des logements privés avec un loyer mesuré. Et on pense là aussi que ça fait partie des mesures que l'État doit réinvestir pour optimiser ou développer en tout cas l'offre abordable et le faire rapidement. On a entendu parler d'un choc de l'offre. Produire du logement neuf, ça prend quelques années. Mobiliser des logements qui aujourd'hui ne sont pas occupés ou qui pourraient devenir plus abordables si des mesures d'accompagnement du propriétaire étaient faites. On pense que c'est important de le faire rapidement parce que ça va pouvoir apporter des solutions tout de suite à ceux qui manquent de logement. Mmh. Donc vous n'êtes pas forcément pour créer de nouveaux logements. Enfin, vous êtes pour la création de nouveaux logements, Mais c'est pas la seule réponse à la crise du logement. Voilà, on peut pas uniquement focaliser les difficultés du logement aujourd'hui sur les bailleurs sociaux. C'est vraiment un effort collectif. Éviter que des gens se retrouvent à la rue, ben, on l'a dit. Le premier point, c'est d'éviter qu'il y ait des expulsions sans relogement. Faire en sorte que les personnes puissent s'inscrire dans un projet logement et avoir les moyens d'entretenir leur vie, de donner à leurs enfants l'éducation, de s'épanouir, c'est le faire avec des logements abordables. C'est un effort à trouver et dans le parc privé et dans le parc social. C'est peut-être l'occasion de dire que cette année, on s'est penché sur la question du surpeuplement, parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours bien connu. Et on avait constaté, comme vous l'avez fait en épluchant certains chiffres, qu'entre deux recensements, pour la première fois, le nombre de ménages en surpeuplement était à nouveau en augmentation. Et en particulier les personnes en surpeuplement aggravé. Et donc on a voulu se pencher sur ce phénomène et on voit qu'il traduit là aussi la difficulté de trouver des logements à un prix abordable où certaines familles vont avoir du mal à quitter un logement quand bien même il serait trop petit parce que trouver un autre logement plus grand ne serait plus compatible avec leurs ressources. C'est aussi un des révélateurs des difficultés d'accès au logement où parfois les ménages à défaut d'avoir un logement social adapté, vont se réfugier dans le parc privé et devoir retenir un logement qui n'est pas forcément bien adapté à la taille de la famille. C'est encore une fois aussi un révélateur de la faiblesse de l'offre, on va dire, d'urgence ou d'hébergement, où on va proposer à des familles entières de se retrouver dans une chambre d'hôtel avec toutes les difficultés que ça comporte. Et une chambre pour 4 personnes, quand il y a des enfants, au quotidien, c'est des difficultés importantes pour l'alimentation, pour la lessive, mais aussi pour les devoirs. Et plusieurs études sur le développement des enfants ou la santé ont montré que le surpeuplement avait effectivement des effets graves. Ce qui handicape justement pour leur avenir, donc pour la correction des inégalités déjà... Tout à fait. Voilà. Ça compromet... dès cet âge de l'enfance, les chances pour avoir ensuite un accès comparable à un certain nombre d'opportunités. Et qui se rajoute à d'autres handicaps, hein, il y a un effet un peu auto-cumulatif. Voilà. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de chambre, un enfant ne dispose pas de chambre, effectivement, il y a des études qui montrent qu'effectivement ça a des impacts négatifs sur la scolarité. Enfin, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais dans le développement aussi, on sait que pour l'acquisition du langage, pouvoir se repérer dans le temps, c'est très lié au développement cognitif. Mmh. Et quand on est coincé dans une pièce où on n'a pas les moyens d'apprendre à marcher comme il faut ou de déambuler à 4 pattes, dès le premier âge, on peut bloquer ou diminuer les chances pour des dizaines d'années ensuite. Donc pour vous, il y a fondamentalement une inadéquation entre l'offre et l'offre de logement et les besoins, en fait, c'est ça ? Voilà, des besoins qui n'arrivent pas à trouver une bonne réponse et les outils qui ont parfois été mis en place pour pouvoir y répondre, qui arrivent à leurs limites. On a parlé du droit au logement opposable. On est dans une région où les phénomènes de non-recours au droit sont importants, où il est parfois difficile pour les ménages de se repérer dans les dispositifs qui existent. Et donc, on pense que c'est important de pouvoir faire la différence entre une politique qui est décidée et les outils qu'on met en place pour effectivement permettre aux personnes de se l'approprier. Et ça renvoie à ce danger aujourd'hui que connaissent un certain nombre d'associations qui sont en difficulté et qui ont de plus en plus de mal à assurer le fonctionnement, alors qu'elles sont un rempart justement pour permettre d'accompagner les ménages en difficulté, les aider à se repérer dans le dédale des différentes lois et parfois les accompagner, les consolider pour aller jusqu'en justice et faire valoir leurs droits. Peut-être aborder la question justement des APL, enfin les raisons de leur création, leur évolution et bon, où on en est maintenant, quoi. Bon, elles gardent quand même un rôle de solvabilité, mais elles ont subi progressivement une érosion du montant et oui, il y a eu pendant longtemps une politique en France qu'on a appelée celle de l'aide à la pierre. Oui. Où on a parlé tout à l'heure des PLAI, des plus, on aidait de façon plus ou moins différente la construction de certains logements, ce qui aboutissait à des logements aidés avec des loyers bon marché. Donc à une certaine période, ça s'est appelé HBM, justement, les habitations à bon marché. Et ça a donné lieu à la production de logements qu'à un moment, on a considéré peut-être trop spécialisés. Parce que finalement, dans l'HBM, tous les ménages qui avaient le même type de revenus se concentraient. Dans l'autre immeuble qui n'était pas aidé, on avait des ménages qui avaient des ressources différentes. Et plusieurs se sont penchés sur des outils qui permettraient peut-être de faire cohabiter des personnes avec des ressources différentes et une aide personnalisée qui permettrait de rattraper les écarts. Donc ça a donné lieu à une réforme dans les années 70 qui a fait basculer une partie des aides de la pierre à la personne. Mais les années 70, si ça vous rappelle quelque chose, oui, c'est aussi arrivé au moment des chocs pétroliers. Mmh. Et alors qu'on pensait que les aides personnalisées seraient un coup de pouce au démarrage des trajectoires résidentielles des ménages et qu'une fois lancés dans leur vie professionnelle, ils n'auraient plus besoin de l'aide et que ça passerait à quelqu'un d'autre. On était encore dans l'optique de l'élévation continue du niveau de vie. Et donc ça devait avoir qu'un rôle transitoire, et c'est voilà, ça. Voilà, le modèle, il a été imaginé à un moment où on n'avait pas anticipé les crises, et finalement ces chocs pétroliers, puis les effets de restructuration de l'industrie qui ont suivi, ont mis à mal le modèle. Néanmoins, si ça représente un budget important et si on constate que des ménages, heureusement, sont accompagnés ou soutenus par l'APL depuis des dizaines d'années, ce qu'on tient aussi à rappeler, c'est que le budget des APL, depuis des années et des années, il reste à hauteur d'1% du PIB. Et donc là aussi, c'est une idée reçue qu'il faut pouvoir de temps en temps décoder. On ne peut pas évoquer une explosion, une inflation des APL sans le ramener au niveau du PIB. Mmh. On a un PIB qui augmente. Si les dépenses liées aux APL sont de l'ordre de 1%, on ne peut pas dire que ce soit les APL qui creusent le déficit de la France, puisque finalement les dépenses sont certes importantes, mais restent contenues dans cette même enveloppe de 1% du PIB. Et donc les APL aident les personnes à occuper un logement. Mais depuis une vingtaine d'années, on grignote leur effet de rééquilibrage. Ah oui. Par exemple, la partie qui correspond aux charges que doivent payer les ménages n'a pas souvent été réajustée. C'est-à-dire qu'on a des dépenses liées au gaz ou à l'électricité qui ont augmenté, mais la partie de l'APL qui correspond à ces dépenses, elle, n'a pas augmenté. On a parfois gelé le barème des APL. On a parfois revu les conditions de ressources pour bénéficier des APL. Ce qui fait qu'en 20 ans, leur effet de rééquilibrage a diminué. Et ça aboutit à ce qu'un million de ménages qui bénéficient de l'APL soient quand même à des taux d'effort au-delà de 33%, ce qui est beaucoup trop important pour beaucoup de ménages pour pouvoir assumer les autres dépenses. Et aujourd'hui, ce qui arrive avec l'amputation des APL a un autre effet d'inquiétude pour nous, c'est que les 60 euros qui vont être enlevés en moyenne chaque mois, ça correspond à peu près à ce qui, dans le budget des bailleurs sociaux, permettait de faire 2/3 des travaux d'entretien, de rénovation. Et donc, sans cette arrivée financière, le risque, c'est que les locataires soient doublement, soient victimes, puisque les espaces extérieurs, les rénovations, les travaux d'entretien des bâtiments risquent d'être amputés. Oui, c'est ce que disent d'ailleurs bon nombre de bailleurs sociaux. Et des travaux qui, notamment en matière énergétique, on parle beaucoup du phénomène de la passoire thermique, notamment sur la métropole, mais en général dans le Nord, est quand même très, très, très présente. Il y a une surreprésentation de logements qui ont une qualité thermique qui est, très, qui est qui est de très mauvaise qualité, qui est insuffisante, d'où là, effectivement, l'effort effectivement, fait par les bailleurs sociaux. Et effectivement, le fait qu'on leur impute 60%, ça peut effectivement avoir un impact. Il y a des héritages lourds à porter, mais le fait d'être une région marquée par l'industrie, puisque au XIXe siècle, il y a eu effectivement beaucoup de construction de logements pour accompagner le développement industriel qui a quand même boosté aussi la France. Aujourd'hui, ce patrimoine, qui est l'héritage de ces années, souffre de cette ancienneté. On a des logements qui sont globalement plus anciens que dans le reste de la France. Mmh. Et quand on a des difficultés économiques, à la fois pour les propriétaires modestes, mais aussi certains bailleurs sociaux, on peut regretter un retard d'amélioration qui s'explique parfois, mais en tout cas qui est directement chiffré dans le budget des ménages qui occupent ces passoires thermiques. Mmh. Il y a des annonces qui présentent un doublement des objectifs d'amélioration thermique. Il y a des objectifs qui ont été donnés aux bailleurs sociaux, mais encore une fois, pour avoir les moyens d'atteindre les objectifs, il faut avoir les budgets pour les travaux. Et là, les bailleurs se plaignent d'avoir été directement amputés de l'APL et de pas encore avoir assez de lisibilité sur les mesures qui pourraient venir compenser ou permettre d'investir. Et en même temps, cette diminution de l'APL oblige les bailleurs sociaux à baisser le loyer. Oui, c'est, on va dire, la mesure correctrice qui a rapidement été mise en place par le gouvernement pour éviter que la baisse de l'APL vienne pénaliser les locataires. On a demandé aux bailleurs sociaux de diminuer le loyer d'autant. Mais dans le monde des bailleurs sociaux, tous les organismes ne sont pas à la même enseigne. Et c'est aussi un des messages qu'avaient porté les bailleurs sociaux de notre région. On est dans une région où la part des ménages avec des faibles ressources est plutôt plus importante que dans d'autres régions, et en particulier en Île-de-France. Et donc finalement, des bailleurs sociaux qui ont réalisé les objectifs qui sont de loger les ménages les plus pauvres risquaient de se voir encore plus amputés de recettes que des organismes qui n'accueillerait pas trop ou pas autant des ménages qui sont aidés par l'APL. Donc des mesures de péréquation ont été mises en place, mais quelque part déjà il y a une diminution des recettes, il y a une mesure de péréquation mais qui va permettre de distribuer autrement la réduction. On reste quand même sur une réduction globale des recettes pour les bailleurs sociaux, avec ce risque que vous avez bien évoqué, qui n'aient plus les moyens d'investir pour l'amélioration du confort de leurs locataires. Justement, puisqu'on parle un peu là de notre région, est-ce que localement, l'agglomération lilloise, parce qu'il y a eu l'année passée, je crois, un ouvrage réalisé par le collectif de JITER qui nous montrait que c'est une des agglomérations où la discrimination la plus forte. Mais il présente un caractère particulier, c'est que les villes-centres ont souvent gardé des quartiers populaires importants, contrairement peut-être à Paris, Lyon. Mais malgré tout, cette ségrégation est nettement plus marquée qu'ailleurs. Et d'autre part, il y a toujours sur la région lilloise, vous avez peut-être entendu parler de la friche Saint-Sauveur. Le projet donc de la ville de Lille est d'y construire donc des logements, et avec un fort pourcentage de logements sociaux, parce que Lille quand même approche des 30% de logements sociaux par rapport à d'autres grandes villes. Mais un collectif s'est créé pour demander, parce qu'il n'y a pas que le nombre de logements, même si c'est primordial, il y a aussi la qualité de vie et la nécessaire présence d'espaces verts dans une ville. Et Lille en manque assez bien. Qu'en pensez-vous, en fait? Est-ce que... est-ce qu'il y a pas une contradiction entre d'un côté les voilà, deux quoi, voilà. Une contradiction entre d'un côté voilà, augmenter effectivement le nombre de logements. C'est la ville centre et on l'a dit l'objectif c'est 25%. Donc 25% c'est le plancher souhaitable de logements sociaux dans toutes les villes. Donc si on est à 30%, on n'est pas si loin du plancher. Donc il faut aussi repérer que 30% ça reste un chiffre relativement raisonnable. Et il y a une volonté à Lille, mais dans la métropole européenne en général, de pouvoir rattraper cette segmentation que vous avez évoquée. Donc tous les quartiers de Lille n'ont pas le même taux de logements sociaux. On sait qu'à Lille Sud, on était beaucoup plus dotés en logements sociaux que dans des quartiers comme Vauban ou le centre. Il y a un rattrapage qui s'est réalisé. Il ne doit pas se faire qu'à Lille, il doit aussi se faire dans les communes voisines. Et c'est l'outil des objectifs SRU donc, qui doit permettre que Lambersart, que Saint-André, que Marc, que toutes les communes, elles aussi, rattrapent des objectifs. Il y aurait quand même moyen de concilier donc d'augmenter le nombre de logements sociaux, mais de concilier les deux et la nécessaire de réaliser quand même d'importants espaces verts ou de détente. Vous l'avez dit, hein, c'est indispensable d'avoir des respirations et des espaces verts. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il est important de les développer, notamment dans nos villes du Nord qui, encore une fois, marquées par l'industrie, n'en disposaient pas suffisamment. C'est important aussi de pouvoir concilier un urbanisme qui fait bénéficier de la proximité des transports en commun, des commerces, les habitants. Et c'est peut-être un travail sur la place de la voirie, la place des parkings, la place de certains équipements. Beaucoup de bureaux sont vacants. Et on peut se demander, justement, quand on construit, si c'est pas la priorité aux espaces verts et aux logements qu'il faut donner pour plutôt remplir les bureaux qui existent déjà, plutôt que de mobiliser des fonciers disponibles pour de nouvelles surfaces de commerce ou de bureaux. Moi, je suis assez favorable à la construction importante de logements dans tous les quartiers, en réfléchissant au niveau de loyer, évidemment, et que ces logements puissent permettre à chacun de disposer d'un paysage agréable, d'une intimité suffisante et des espaces verts pour le quartier. Donc ça suppose plus ou moins de réduire la densification peut-être de la ville. Or, les modèles écologiques laissent plutôt entendre que le modèle, ça serait plutôt de redensifier les villes. Oui, donc, on peut concilier les deux. J'ai grandi à Roubaix, qui a certains quartiers très denses. La densité perçue n'est pas toujours correspondante avec le nombre de logements. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en ville, c'est important pour tous ceux qui souhaitent ne pas se déplacer en voiture ou ne peuvent pas le faire, de mobiliser les espaces disponibles et d'avoir entre 60, 90, 120 logements l'hectare. Parfois, c'est un peu technique, mais je pense que quand on est proche, c'est souvent plus facile de vivre ensemble si l'urbanisme se met au service des habitants. Bon, bah écoutez, merci, je crois que c'est là. Peut-être une dernière question, René. Une dernière question. Quelles sont les solutions et alternatives que la Fondation Abbé Pierre propose ? Je sais qu'elle en propose en fait plusieurs. En 30 secondes. On va devoir inviter moi pour une autre émission. C'est le logement d'abord. Voilà. C'est la priorité. À la fois pour ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, mais aussi n'en ont façon de faire, c'est un changement de philosophie. On pense que chacun peut avoir accès à un logement et à nous de faire en sorte que l'accompagnement lui permette de s'y maintenir. Un vrai logement au lieu d'un hébergement, comme pour les personnes sans domicile. Voilà, un vrai logement et une qualité d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin pour se maintenir dans le logement. Bon, en tout cas, merci. Merci pour cette émission. Et on renvoie les auditeurs et les auditrices au site de la Fondation Abbé Pierre, où ils trouveront donc effectivement le dernier rapport, l'état du mal logement en France, et la synthèse donc qui va avec, parce qu'effectivement le bouquin est comme relativement conséquent, 400 pages. Donc voilà. Merci. Et puis on vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Bon week-end.